Cet homme portait les cheveux courts et la barbe rasée, une tunique de couleur brune et un manteau grisâtre dont les bouts étaient retroussés de manière à ne pas gêner sa marche. Il allait d'un pas rapide, presque cursif, et passa à côté d'Octavien sans le voir. Un panier de sparterie pendait à son bras, et il se dirigeait vers le forum Nundinarium. C'était un esclave, un Davus quelconque allant au marché. Il n'y avait pas à s'y tromper. Des bruits de roues se firent entendre, et un char antique, traîné par des bœufs blancs et chargé de légumes, s'engagea dans la rue. À côté de l'attelage marchait un bouvier, aux jambes nues et brûlées par le soleil, aux pieds chaussés de sandales, et vêtu d'une espèce de chemise de toile bouffante à la ceinture. Un chapeau de paille conique, rejeté derrière le dos et retenu au col par la mentonnière, laissait voir sa tête d'un type inconnu aujourd'hui. Son front bas, traversé de dures nodosités, ses cheveux crépus et noirs, son nez droit, ses yeux tranquilles comme ceux de ses bœufs, et son cou d'Hercule campagnard. Il touchait gravement ses bêtes de l'aiguillon, avec une pose de statue, à faire tomber un grand extase. Le bouvier aperçut Octavien et parut surpris, mais il continua sa route. Une fois il retourna la tête, ne trouvant pas sans doute d'explication à l'aspect de ce personnage étrange pour lui, mais laissant dans sa placide stupidité rustique le mot de l'énigme de plus habile. Des paysans campaniens parurent aussi, poussant devant eux des ânes chargés d'outre de vin et faisant tinter des sonnettes d'airain. Leur physionomie différait de celle des paysans d'aujourd'hui, comme une médaille diffère d'un sou. La vie se peuplait graduellement, comme un de ces tableaux de diorama d'abord désert et qu'un changement d'éclairage anime de personnages invisibles jusque-là. Les sentiments qu'éprouvait Octavien avaient changé de nature. Tout à l'heure, dans l'ombre trompeuse de la nuit, il était en proie à ce malaise dont les braves ne se défendent pas au milieu de circonstances inquiétantes et fantastiques que la raison ne peut expliquer. Sa vague terreur s'était changée en stupéfaction profonde. Il ne pouvait douter, à la netteté de leur perception, du témoignage de ses sens, et cependant ce qu'il voyait était parfaitement incroyable. Mal convaincu encore, il cherchait par la constatation de petits détails réels à se prouver qu'il n'était pas le jouet d'une hallucination. Ce n'étaient pas des fantômes qui défilaient sous ses yeux, car la vive lumière du soleil les illuminait avec une réalité irrécusable, et leurs ombres allongées par le matin se projetaient sur les trottoirs et les murailles. Ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, Octavien, ravi au fond de voir un de ses rêves les plus chers accompli, ne résista plus à son aventure. Il se laissa faire à toutes ses merveilles, sans prétendre s'en rendre compte. Il se dit que puisque, en vertu d'un pouvoir mystérieux, il lui était donné de vivre quelques heures dans un siècle disparu, il ne perdrait pas son temps à chercher la solution d'un problème incompréhensible. Et il continua bravement sa route, en regardant à droite et à gauche ce spectacle si vieux et si nouveau pour lui. Mais à quelle époque de la vie de Pompéi était-il transporté? Une inscription d'édilité, gravée sur une muraille, lui apprit par le nom des personnages publics qu'on était au commencement du règne de Titus, soit en l'an 79 de notre ère. Une idée subite traversa l'âme d'Octavien. La femme dont il avait admiré l'empreinte au musée de Naples devait être vivante, puisque l'éruption du Vésuve dans laquelle elle avait péri eut lieu en août de cette même année. Il pouvait donc la retrouver, la voir, lui parler. Le désir fou qu'il avait ressenti à l'aspect de cette cendre moulée sur des contours divins allait peut-être se satisfaire, car rien ne devait être impossible à un amour qui avait eu la force de faire reculer le temps et passer deux fois la même heure dans le sablier de l'éternité. Pendant qu'Octavien se livrait à ses réflexions, de belles jeunes filles se rendaient aux fontaines, soutenant du bout de leurs doigts blancs des urnes en équilibre sur leur tête. Des patriciens en toges blanches, bordées de bandes de pourpre, suivis de leur cortège de clients, se dirigeaient vers le forum. Des acheteurs se pressaient autour des boutiques, toutes désignées par des enseignes sculptées et peintes, et rappelant par leur petitesse et leur forme les boutiques mauresques d'Alger. Au-dessus de la plupart de ces échoppes, un glorieux phallus de terre cuite coloriée et l'inscription « Hic habitat felicitas » témoignaient de précautions superstitieuses contre le mauvais œil. Octavien remarqua même une boutique d'amulettes dont l'étalage était chargé de cornes, de branches de corail bifurquées et de petits priapes en or, comme on en trouve encore à Naples aujourd'hui pour se préserver de la jetta turée. Et il se dit qu'une superstition durait plus qu'une religion. En suivant le trottoir qui borde chaque rue de Pompéi et enlève ainsi aux Anglais la confortabilité de cette invention, Octavien se trouva face à face avec un beau jeune homme de son âge à peu près, vêtu d'une tunique couleur de safran et drapé d'un manteau de fine laine blanche, souple comme du cachemire. La vue d'Octavien, coiffé de l'affreux chapeau moderne, sanglé dans une mesquine redingote noire, les jambes emprisonnées dans un pantalon, les pieds pincés par des bottes luisantes, parut surprendre le jeune Pompéien, comme nous étonnerait sur le boulevard de Gand un Ayoé ou un Botocudo, avec ses plumes, ses colliers de griffes d'ours et ses tatouages baroques. Cependant, comme c'était un jeune homme bien élevé, il n'éclata pas de rire au nez d'Octavien, et prenant en pitié ce pauvre barbare égaré dans cette ville gréco-romaine, il lui dit d'une voix accentuée et douce « Advena, salve !» Rien n'était plus naturel qu'un habitant de Pompéi, sous le règne du divin empereur Titus, très puissant et très auguste, s'exprima en latin. Et pourtant Octavien tressaillit en entendant cette langue morte dans une bouche vivante. C'est alors qu'il se félicita d'avoir été fort en thème et remporté des prix au concours général. Le latin, enseigné par l'université, lui servit en cette occasion unique, et rappelant en lui ses souvenirs de classe, il répondit au salut du Pompéien en style de « De veris illustribus et de selecte et profanis » d'une façon suffisamment intelligible, mais avec un accent parisien qui fit sourire le jeune homme. « Il te sera peut-être plus facile de parler grec, » dit le Pompéien. « Je sais aussi cette langue, car j'ai fait mes études à Athènes. » « Je sais encore moins de grec que de latin, » répondit Octavien. « Je suis du pays des Gaulois, de Paris, de Lutèce. »« Je connais ce pays. Mon aïeul a fait la guerre dans les Gaules, sous le grand Jules César. »« Mais quel étrange costume portes-tu ? » ?»« Les Gaulois que j'ai vus à Rome n'étaient pas habillés ainsi. » Octavien entreprit de faire comprendre au jeune Pompéien que 20 siècles s'étaient écoulés depuis la conquête de la Gaule par Jules César, et que la mode avait pu changer. Mais il y perdit son latin, et à vrai dire, ce n'était pas grand-chose. « Je me nomme Rufus Olconius, et ma maison est la tienne, » dit le jeune homme, « à moins que tu ne préfères la liberté de la taverne. On est bien à l'auberge d'Albinus, près de la porte du faubourg d'Augustus Félix, et à l'hôtellerie de Sarinus, fils de Publius, près de la deuxième tour. Mais si tu veux, je te servirai de guide dans cette ville inconnue pour toi. Tu me plais, jeune barbare, quoique tu aies essayé de te jouer de ma crédulité en prétendant que l'empereur Titus, qui règne aujourd'hui, était mort depuis 2000 ans et que le Nazaréen, dont les infâmes sectateurs, enduits de poids, ont éclairé les jardins de Néron, trône seul en maître dans le ciel désert d'où les grands dieux sont tombés. Par Pollux, ajouta-t-il en jetant les yeux sur une inscription rouge tracée à l'angle d'une rue, tu arrives à propos. L'on donne la Casina de Plaute, récemment remise au théâtre. C'est une curieuse et bouffonne comédie qui t'amusera. N'en comprendrais-tu que la pantomime? Suis-moi, c'est bientôt l'heure. Je te ferai placer au banc des hôtes et des étrangers. » Et Rufus Olconius se dirigea du côté du petit théâtre comique que les trois amis avaient visité dans la journée. Le Français et le citoyen de Pompéi prirent les rues de la Fontaine d'Abondance, des théâtres, longèrent le collège et le temple d'Isis, l'atelier du statuaire, et entrèrent dans l'Odéon, ou théâtre comique, par un vomitoire latéral. Grâce à la recommandation d'Olconius, Octavien fut placé près du proscenium, un endroit qui répondrait à nos baignoires d'avant-scène. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers lui, avec une curiosité bienveillante, et un léger susurrement courut dans l'amphithéâtre. La pièce n'était pas encore commencée. Octavien en profita pour regarder la salle. Les gradins demi-circulaires, terminés de chaque côté par une magnifique patte de lion sculptée en lave du Vésuve, partaient en s'élargissant d'un espace vide correspondant à notre parterre, mais beaucoup plus restreint, et pavé d'une mosaïque de marbre grec. Un gradin plus large formait de distance en distance une zone distinctive, et quatre escaliers correspondant au vomitoire et montant de la base au sommet de l'amphithéâtre le divisaient en cinq coins plus larges du haut que du bas. Les spectateurs, munis de leurs billets, consistant en petites lames d'ivoire où étaient désignés par leur numéro d'ordre la travée, le coin et le gradin, avec le titre de la pièce représentée et le nom de son auteur, arrivaient aisément à leur place. Les magistrats, les nobles, les hommes mariés, les jeunes gens, les soldats dont on voyait luire les casques de bronze, occupaient des rangs séparés. C'était un spectacle admirable que ces belles toges et ces larges manteaux blancs bien drapés, s'étalant sur les premiers gradins et contrastant avec les parures variées des femmes placées au-dessus et les capes grises des gens du peuple reléguées au banc supérieur près des colonnes qui supportent le toit, et qui laissaient apercevoir, par leurs interstices, un ciel d'un bleu intense comme le champ d'azur d'une panathénée. Une fine pluie d'eau, aromatisée de safran, tombait des frises en gouttelettes imperceptibles et parfumait l'air qu'elle rafraîchissait. Octavien pensa aux émanations fétides qui vicient l'atmosphère de nos théâtres, si incommodes qu'on peut les considérer comme des lieux de torture, et il trouva que la civilisation n'avait pas beaucoup marché. Le rideau, soutenu par une poutre transversale, s'abîma dans les profondeurs de l'orchestre. Les musiciens s'installèrent dans leurs tribunes, et le prologue parut, vêtu grotesquement, et la tête coiffée d'un masque difforme, adapté comme un casque. Le prologue, après avoir salué l'assistance et demandé les applaudissements, commença une argumentation bouffonne. Les vieilles pièces, disait-il, étaient comme le vin qui gagne avec les années, et la Cassina, chère aux vieillards, ne devait pas moins l'être aux jeunes gens. Tous pouvaient y prendre plaisir, les uns parce qu'ils la connaissaient, les autres parce qu'ils ne la connaissaient pas. La pièce avait été, du reste, remise avec soin, et il fallait écouter l'âme libre de tout souci, sans penser à ses dettes ni à ses créanciers, car on n'arrête pas au théâtre. C'était un jour heureux. Il faisait beau et les alcyons planaient sur le forum. Puis il fit une analyse de la comédie que les acteurs allaient représenter, avec un détail qui prouve que la surprise entrait pour peu de choses dans le plaisir que les anciens prenaient au théâtre. Il raconta comment le vieillard Stalino, amoureux de sa belle esclave Cassina, veut la marier à son fermier Olympio, époux complaisant qu'il remplacera dans la nuit des noces. Et comment Lycostrata, la femme de Stalino, pour contrecarrer la luxure de son vicieux mari, veut unir Cassina à l'écuyer Chalinus dans l'idée de favoriser les amours de son fils. Enfin, la manière dont Stalino, mystifié, prend un jeune esclave déguisé pour Cassina, qui, reconnue libre et de naissance ingénue, épouse le jeune maître qu'elle aime et dont elle est aimée. Le jeune Français regardait distraitement les acteurs, avec leurs masques aux bouches de bronze, s'évertuer sur la scène. Les esclaves couraient, çà et là, pour simuler l'empressement. Le vieillard hochait la tête et tendait ses mains tremblantes. La matrone, le verbe haut, l'air revêche et dédaigneux, se carrait dans son importance et querellait son mari, au grand amusement de la salle. Tous ces personnages entraient et sortaient, par trois portes pratiquées dans le mur du fond, et communiquant au foyer des acteurs. La maison de Stalino occupait un coin du théâtre, et celle de son vieil ami, Alcésimus, lui faisait face. Ses décorations, quoique très bien peintes, étaient plutôt représentatives de l'idée d'un lieu que du lieu lui-même, comme les coulisses vagues du théâtre classique. Quand la pompe nuptiale conduisant la fausse Cassina fit son entrée sur la scène, un immense éclat de rire, comme celui qu'Homère attribue aux dieux, circula sur tous les bancs de l'amphithéâtre, et des tonnerres d'applaudissements firent vibrer les échos de l'enceinte. Mais Octavien n'écoutait plus et ne regardait plus. dans la travée des femmes, il venait d'apercevoir une créature d'une beauté merveilleuse. À dater de ce moment, les charmants visages qui avaient attiré son œil s'éclipsèrent comme les étoiles devant Phébé. Tout s'évanouit, tout disparut comme dans un songe. Un brouillard estompa les gradins fourmillant de monde, et la voix criarde des acteurs semblait se perdre dans un éloignement infini. Il avait reçu au cœur comme une commotion électrique, et il lui semblait qu'il jaillissait des étincelles de sa poitrine lorsque le regard de cette femme se tournait vers lui. Elle était brune et pâle. Ses cheveux ondés et crépelés, noirs comme ceux de la nuit, se relevaient légèrement vers les tempes à la mode grecque, et dans son visage d'un ton mat brillaient des yeux sombres et doux, chargés d'une indéfinissable expression de tristesse voluptueuse et d'ennui passionné. Sa bouche, dédaigneusement arquée à ses coins, protestait par l'ardeur vivace de sa pourpre enflammée contre la blancheur tranquille du masque. Son col présentait ces belles lignes pures qu'on ne retrouve à présent que dans les statues. Ses bras étaient nus jusqu'à l'épaule, et de la pointe de ses seins orgueilleux, soulevant sa tunique d'un rose mauve, partaient deux plis qu'on aurait pu croire fouillés dans le marbre par Phidias ou Cléomène. La vue de cette gorge d'un contour si correct, d'une coupe si pure, troubla magnétiquement Octavien. Il lui sembla que ses rondeurs s'adaptaient parfaitement à l'empreinte en creux du musée de Naples qu'il avait jetée dans une si ardente rêverie. Et une voix lui cria au fond du cœur que cette femme était bien la femme étouffée par la cendre du Vésuve à la villa d'Arius Diomède. Par quel prodige la voyait-il vivante, assistant à la représentation de la Cassina de Plaute? Il ne chercha pas à se l'expliquer. D'ailleurs, comment était-il là, lui-même? Il accepta sa présence, comme dans le rêve on admet l'intervention de personnes mortes depuis longtemps et qui agissent pourtant avec les apparences de la vie. D'ailleurs, son émotion ne lui permettait aucun raisonnement. Pour lui, la roue du temps était sortie de son ornière, et son désir vainqueur choisissait sa place parmi les siècles écoulés. Il se trouvait face à face avec sa chimère, une des plus insaisissables, une chimère rétrospective. Sa vie se remplissait d'un seul coup. En regardant cette tête, si calme et si passionnée, si froide, si ardente, si morte et si vivace, il comprit qu'il avait devant lui son premier et son dernier amour, sa coupe d'ivresse suprême. Il sentit s'évanouir, comme des ombres légères, les souvenirs de toutes les femmes qu'il avait cru aimer, et son âme redevenir vierge de toute émotion antérieure. Le passé disparut. Cependant, la belle pompéienne, le menton appuyé sur la paume de la main, lançait sur Octavien, tout en ayant l'air de s'occuper de la scène, le regard velouté de ses yeux nocturnes, et ce regard lui arrivait, lourd et brûlant, comme un jet de plomb fondu. Puis elle se pencha vers l'oreille d'une fille assise à son côté. La représentation s'acheva, la foule s'écoula par les vomitoires. Octavien, dédaignant les bons offices de son guide Holconius, s'élança par la première sortie qui s'offrit à ses pas. À peine eut-il atteint la porte, qu'une main se posa sur son bras, et qu'une voix féminine lui dit, d'un ton bas, mais de manière à ce qu'il ne perdît pas un mot. « Je suis Tyché Novoleja, commise au plaisir d'Aria Marcella, fille d'Arius Diomède. Ma maîtresse vous aime, suivez-moi. » Aria Marcella venait de monter dans sa litière portée par quatre forts esclaves syriens, nus jusqu'à la ceinture, et faisant miroiter au soleil leurs torses de bronze. Le rideau de la litière s'entr'ouvrit, et une main pâle, étoilée de bagues, fit un signe amical à Octavien, comme pour confirmer les paroles de la suivante. Le pli de pourpre retomba, et la litière s'éloigna au pas cadencé des esclaves. Tyché fit passer Octavien par des chemins détournés, coupant les rues en posant légèrement le pied sur les pierres espacées qui relient les trottoirs et entre lesquelles roulent les roues des chars, et se dirigeant à travers le dédale avec la précision que donne la familiarité d'une ville. Octavien remarqua qu'il franchissait des quartiers de Pompéi que les fouilles n'ont pas découverts et qui lui étaient en conséquence complètement inconnus. Cette circonstance, étrange parmi tant d'autres, ne l'étonna pas. Il était décidé à ne s'étonner de rien. dans toute cette fantasmagorie archaïque qui eût fait devenir un antiquaire fou de bonheur, il ne voyait plus que l'œil noir et profond d'Aria Marcella et cette gorge superbe, victorieuse des siècles et que la destruction même a voulu conserver. Ils arrivèrent à une porte dérobée qui s'ouvrit et se ferma aussitôt, et Octavien se trouva dans une cour entourée de colonnes de marbre grec d'ordre ionique, peintes jusqu'à la moitié de leur hauteur d'un jaune vif et le chapiteau relevé d'ornements rouges et bleus. Une guirlande d'aristoloches suspendait ses larges feuilles vertes en forme de cœur aux saillies de l'architecture, comme une arabesque naturelle, et près d'un bassin encadré de plantes, un flamant rose se tenait debout sur une patte, fleur de plume parmi les fleurs végétales. Des panneaux de fresques, représentant des architectures capricieuses ou des paysages de fantaisie, décoraient les murailles. Octavien vit tous ces détails d'un coup d'œil rapide, car Tiquet le remit aux mains des esclaves baigneurs qui firent subir à son impatience toutes les recherches des termes antiques. Après avoir passé par les différents degrés de chaleur vaporisée, supporté le racloir du strigilaire, senti ruisseler sur lui les cosmétiques et les huiles parfumées, il fut revêtu d'une tunique blanche et retrouva à l'autre porte Tiquet qui lui prit la main et le conduisit dans une autre salle extrêmement ornée. Sur les plafonds étaient peints, avec une pureté de dessin, un éclat de coloris et une liberté de touche qui sentait le grand maître et non plus le simple décorateur à l'adresse vulgaire, Mars, Vénus et l'amour. Une frise, composée de cerfs, de lièvres et d'oiseaux, se jouant parmi les feuillages, régnait au-dessus d'un revêtement de marbre cipolin. La mosaïque du pavé, travail merveilleux dû peut-être à Sosimus de Pergame, représentait des reliefs de festins exécutés avec un art qui faisait illusion. Au fond de la salle, sur un biclinium où il y a deux places, était accoudée Aria Marcella dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme couchée de Phidias sur le fronton du Parthénon. Ses chaussures, brodées de perles, gisaient au bas du lit, et son beau pied nu, plus pur et plus blanc que le marbre, s'allongeait au bout d'une légère couverture de byssus jetée sur elle. Deux boucles d'oreilles, faites en forme de balance et portant des perles sur chaque plateau, tremblaient dans la lumière au long de ses joues pâles. Un collier de boules d'or, soutenant des grains allongés en poire, circulait sur sa poitrine, laissée à demi découverte par le pli négligé d'un péplum de couleur paille, bordé d'une grecque noire. Une bandelette noire et or passait et luisait par places dans ses cheveux d'ébène, car elle avait changé de costume en revenant du théâtre. Autour de son bras, comme l'aspi autour du bras de Cléopâtre, un serpent d'or, aux yeux de pierrerie, s'enroulait à plusieurs reprises et cherchait à se mordre la queue. Une petite table à pied de griffon, incrustée de nacre, d'argent et d'ivoire, était dressée près du lit à deux places, chargée de différents mets, servi dans des plats d'argent et d'or ou de terre émaillée de peintures précieuses. On y voyait un oiseau du phase couché dans ses plumes et divers fruits que leur saison empêche de se rencontrer ensemble. Tout paraissait indiquer qu'on attendait un hôte. Des fleurs fraîches jonchaient le sol et les amphores de vin étaient plongées dans des urnes pleines de neige. Aria Marcella fit signe à Octavien de s'étendre à côté d'elle sur le biclinium et de prendre part au repas. Le jeune homme, à demi fou de surprise et d'amour, prit au hasard quelques bouchées sur les plats que lui tendaient de petits esclaves asiatiques, aux cheveux frisés, à la courte tunique. Aria ne mangeait pas, mais elle portait souvent à ses lèvres un vase mirin, aux teintes opalines, rempli d'un vin d'une pourpre sombre comme du sang figé. À mesure qu'elle buvait, une imperceptible vapeur rose montait à ses joues pâles de son cœur qui n'avait pas battu depuis tant d'années. Cependant son bras nu, qu'Octavien effleura en soulevant sa coupe, était froid comme la peau d'un serpent ou le marbre d'une tombe. « Oh, lorsque tu t'es arrêté au studio à contempler le morceau de bout durci qui conserve ma forme, » dit Aria Marcella en tournant son regard humide vers Octavien, « et que ta pensée s'était lancée ardemment vers moi, mon âme l'a sentie dans ce monde où je flotte, invisible pour les yeux grossiers. La croyance fait le Dieu, et l'amour fait la femme. On n'est véritablement morte que quand on n'est plus aimée. Ton désir m'a rendu la vie. La puissante évocation de ton cœur a supprimé les distances qui nous séparaient. » L'idée d'évocation amoureuse qu'exprimait la jeune femme rentrait dans les croyances philosophiques d'Octavien, croyances que nous ne sommes pas loin de partager. En effet, rien ne meurt, tout existe toujours. Nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois. Toute action, toute parole, toute forme, toute pensée tombée dans l'océan universel des choses y produit des cercles qui vont s'élargissant jusqu'aux confins de l'éternité. La figuration matérielle ne disparaît que pour les regards vulgaires, et les spectres qui s'en détachent peuplent l'infini. Paris continue d'enlever Hélène dans une région inconnue de l'espace. La galère de Cléopâtre gonfle ses voiles de soie sur l'azur d'un Cydnus idéal. Quelques esprits passionnés et puissants ont pu amener à eux des siècles écoulés en apparence et faire revivre des personnages morts pour tous. Faust a eu pour maîtresse la fille de Tindare et l'a conduite à son château gothique du fond des abîmes mystérieux de l'Hadès. Octavien venait de vivre un jour sous le règne de Titus et de se faire aimer Daria Marcella, fille d'Arius Diomède, couchée en ce moment près de lui sur un lit antique dans une ville détruite pour tout le monde. « À mon dégoût des autres femmes, répondit Octavien, à la rêverie invincible qui m'entraînait vers ces types radieux au fond des siècles, comme des étoiles provocatrices, je comprenais que je n'aimerais jamais que hors du temps et de l'espace. C'était toi que j'attendais, et ce frêle vestige, conservé par la curiosité des hommes, m'a, par son secret magnétisme, mis en rapport avec ton âme. Je ne sais si tu es un rêve ou une réalité, un fantôme ou une femme, si comme Ixion je sers un nuage sur ma poitrine abusée, si je suis le jouet d'un vil prestige de sorcellerie. Mais ce que je sais bien, c'est que tu seras mon premier et mon dernier amour. » « Kéros, fils d'Aphrodite, entend de ta promesse, dit Aria Marcella, en inclinant sa tête sur l'épaule de son amant, qui la souleva avec une étreinte passionnée. Oh, serre-moi sur ta jeune poitrine, enveloppe-moi de ta tiède haleine. J'ai froid d'être resté si longtemps sans amour. » Et contre son cœur, Octavien sentait s'élever et s'abaisser ce beau sein, dont le matin même il admirait le moule à travers la vitre d'une armoire de musée. La fraîcheur de cette belle chair le pénétrait à travers sa tunique et le faisait brûler. La bandelette, or et noire, s'était détachée de la tête d'Aria, passionnément renversée, et ses cheveux se répandaient comme un fleuve noir sur l'oreiller bleu. Les esclaves avaient emporté la table. On n'entendit plus qu'un bruit confus de baisers et de soupirs. L'écaille, familière, insouciante de cette scène amoureuse, picorait sur le pavé de mosaïque les miettes du festin en poussant de petits cris. Tout à coup, les anneaux d'airain de la portière qui fermait la chambre glissèrent sur leurs tringles, et un vieillard d'aspect sévère et drapé dans un ample manteau brun parut sur le seuil. Sa barbe grise était séparée en deux pointes, comme celle des Nazaréens. Son visage semblait sillonné par la fatigue des macérations. Une petite croix de bois noir pendait à son col et ne laissait aucun doute sur sa croyance. Il appartenait à la secte, toute récente alors, des disciples du Christ. À son aspect, Aria Marcella, éperdue de confusion, cacha sa figure sous un pli de son manteau, comme un oiseau qui met la tête sous son aile en face d'un ennemi qu'il ne peut éviter pour s'épargner au moins l'horreur de le voir. Tandis qu'Octavien, appuyé sur son coude, regardait avec fixité le personnage fâcheux qui entrait ainsi, brusquement, dans son bonheur. « Aria, Aria !» dit le personnage austère d'un ton de reproche. « Le temps de ta vie n'a-t-il pas suffi à tes déportements? Et faut-il que tes infâmes amours empiètent sur les siècles qui ne t'appartiennent pas? Ne peux-tu laisser les vivants dans leur sphère? Ta cendre n'est donc pas encore refroidie depuis le jour où tu mourus, sans repentir sous la pluie de feu du volcan. 2000 ans de mort ne t'ont donc pas calmé, et tes bravoras s'attirent sur ta poitrine de marbre, vide de cœur, les pauvres insensés, enivrés par tes filtres. Arius, grâce, mon père, ne m'accablez pas au nom de cette religion morose qui ne fut jamais la mienne. Moi, je crois nos anciens dieux qui aimaient la vie, la jeunesse, la beauté, le plaisir. Ne me replongez pas dans le pâle néant. Laissez-moi jouir de cette existence que l'amour m'a rendue. Tais-toi, impie, ne me parle pas de tes dieux qui sont des démons. Laisse aller cet homme enchaîné par tes impures séductions. Ne l'attire plus hors du cercle de sa vie que Dieu a mesuré. Retourne dans les limbes du paganisme avec tes amants asiatiques, romains ou grecs. Jeune chrétien, abandonne cette larve qui te semblerait plus hideuse qu'Ampouse et Phorkias si tu la pouvais voir telle qu'elle est. Octavien, pâle, glacé d'horreur, voulut parler, mais sa voix resta attachée à son gosier, selon l'expression virgilienne. « M'obéiras-tu, Aria ? » s'écria impérieusement le grand vieillard. « Non, jamais !» répondit Aria, les yeux étincelants, les narines dilatées, les lèvres frémissantes, en entourant le corps d'Octavien de ses beaux bras de statue, froid, dur et rigide comme le marbre. Sa beauté furieuse, exaspérée par la lutte, rayonnait avec un éclat surnaturel à ce moment suprême, comme pour laisser à son jeune amant un inéluctable souvenir. « Allons, malheureuse, reprit le vieillard, il faut employer les grands moyens et rendre ton néant palpable et visible à cet enfant fasciné. » Et il prononça d'une voix pleine de commandement une formule d'exorcisme qui fit tomber des joues d'Aria les teintes pourprées que le vin noir du vase myrin y avait fait monter. En ce moment, la cloche lointaine d'un des villages qui borde la mer ou des hameaux perdus dans les plis de la montagne, fit entendre les premières volées de la salutation angélique. À ce son, un soupir d'agonie sortit de la poitrine brisée de la jeune femme. Octavien sentit se desserrer les bras qui l'entouraient. Les draperies qui la couvraient se replièrent sur elles-mêmes, comme si les contours qui les soutenaient se fussent affaissés. Et le malheureux promeneur nocturne ne vit plus à côté de lui, sur le lit du festin, qu'une pincée de cendre mêlée de quelques ossements calcinés parmi lesquels brillaient des bracelets et des bijoux d'or, et que des restes informes tels qu'on les dut découvrir en déblayant la maison d'Arius Diomède. Il poussa un cri terrible et perdit connaissance. Le vieillard avait disparu. Le soleil se levait et la salle ornée tout à l'heure avec tant d'éclat n'était plus qu'une ruine démantelée. Après avoir dormi d'un sommeil appesanti par les libations de la veille, Max et Fabio se réveillèrent en sursaut, et leur premier soin fut d'appeler leur compagnon, dont la chambre était voisine de la leur, par un de ces cris de ralliement burlesque dont on convient quelquefois en voyage. Octavien ne répondit pas, pour de bonnes raisons. Fabio et Max, ne recevant pas de réponse, entrèrent dans la chambre de leur ami et virent que le lit n'avait pas été défait. « Il se sera endormi sur quelque chaise, » dit Fabio, sans pouvoir gagner sa couchette, « car il n'a pas la tête forte, ce cher Octavien, et il sera sorti de bonne heure pour dissiper les fumées du vin à la fraîcheur matinale. » « Pourtant il n'avait guère bu, » ajouta Max par manière de réflexion. « Tout ceci me semble assez étrange. Allons à sa recherche. » Les deux amis, aidés du cicérone, parcoururent toutes les rues, carrefours, places et ruelles de Pompéi, entrèrent dans toutes les maisons curieuses où ils supposèrent qu'Octavien pouvait être occupé à copier une peinture ou à relever une inscription, et finirent par le trouver évanoui sur la mosaïque disjointe d'une petite chambre à demi écroulée. Ils eurent beaucoup de peine à le faire revenir à lui, et quand il eut repris connaissance, il ne donna pas d'autre explication, sinon qu'il avait eu la fantaisie de voir Pompéi au clair de la lune et qu'il avait été pris d'une syncope qui sans doute n'aurait pas de suite. La petite bande retourna à Naples par le chemin de fer comme elle était venue, et le soir, dans leur loge à San Carlo, Max et Fabio regardaient à grand renfort de jumelles sautiller dans un ballet sur les traces d'Amalia Ferraris, la danseuse alors en vogue, un essaim de nymphes culottées sous leur jupe de gaze, d'un affreux caleçon vert monstre qui les faisait ressembler à des grenouilles piquées de la tarentule. Octavien, pâle, les yeux troubles, le maintien accablé, ne paraissait pas se douter de ce qui se passait sur la scène, tant, après les merveilleuses aventures de la nuit, il avait de peine à reprendre le sentiment de la vie réelle. À dater de cette visite à Pompéi, Octavien fut en proie à une mélancolie morne que la bonne humeur et les plaisanteries de ses compagnons aggravaient plutôt qu'elles ne la soulageaient. l'image d'Aria Marcella le poursuivait toujours, et le triste dénouement de sa bonne fortune fantastique n'en détruisait pas le chat. N'y pouvant plus tenir, il retourna secrètement à Pompéi et se promena comme la première fois dans les ruines au clair de lune, le cœur palpitant d'un espoir insensé. Mais l'hallucination ne se renouvela pas. Il ne vit que des lézards fuyant sur les pierres. Il n'entendit que des piaulements d'oiseaux de nuit effrayés. Il ne rencontra plus son ami Rufus Holconius. Tiquet ne vint pas lui mettre sa main fluette sous le bras. Aria Marcella resta obstinément dans la poussière. En désespoir de cause, Octavien s'est marié, dernièrement, à une jeune et charmante Anglaise qui est folle de lui. Il est parfait pour sa femme. Cependant, Hélène, avec cet instinct du cœur que rien ne trompe, sent que son mari est amoureux d'une autre. Mais de qui? C'est ce que l'espionnage le plus actif n'a pu lui apprendre. Octavien n'entretient pas de danseuse. Dans le monde, il n'adresse aux femmes que des galanteries banales. Il a même répondu très froidement aux avances marquées d'une princesse russe, célèbre par sa beauté et sa coquetterie. Un tiroir secret, ouvert pendant l'absence de son mari, n'a fourni aucune preuve d'infidélité aux soupçons d'Hélène. Mais comment pourrait-elle s'aviser d'être jalouse de Marcella, fille d'Arius Diomède, affranchie de Tibère ?